Unité 5. Unit 5. Les deux livres, alors ça fait 23,30 €. Does he take credit cards, do you think? Il peut payer avec une carte de crédit? Ça dépend. Visa? Oh, no. Comment? My wallet's gone. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? It's got my credit cards and all my cash in it. And my passport, too. While buying a dictionary and phrasebook, George has discovered that he's lost his wallet. But has he lost it, or has it been stolen? You can find out in a moment, but first...